toi, il te blesse. Mais mal de mots, on ne meurt pas. Je déteste l'insuffisance de tous les jours qui fait retourner leur veste au complet gris en manque d'amour. Regarde autour de toi, dans la norme tous marchent au pas. Même si te montre du doigt, la différence les tuera. Tu es tout seul dans la rue, sur cette voie sans issue. T'as fait tout ce que t'as pu, l'amour s'est perdu. Tu es tout seul dans la rue, tu nages dans l'inconnu. Dépose une larme déçue par les hommes de la rue. Toi, tout s'affaisse, mes illusions se croisent les doigts.